Défi Sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Moi c'est Cécile et je suis aujourd'hui avec Aurore Fleury et Amélie Grune pour parler ce mois-ci de la médiatisation du sport féminin. Alors bonjour Aurore et bonjour Amélie, aujourd'hui nous sommes là pour parler de médiatisation du sport féminin. Alors on va commencer déjà par les présentations, j'ai à ma gauche Amélie, je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Amélie. Karatéka. Ancienne karatéka, voilà. J'ai fait 11 ans de karaté, donc j'ai arrêté quand je suis entrée en première année d'études et là je suis en 6ème année de médecine. Donc c'est surtout par rapport au karaté qu'on va parler, maintenant je continue le sport plutôt en loisir. Voilà, quelques petits détails sur ton palmarès au niveau karaté. C'est surtout donc j'ai toujours fait des compétitions nationales et en dernière année je suis partie avec l'équipe de France au championnat d'Europe, j'ai fait 5ème. Et j'ai aussi été championne méditerranéenne. Après, il y a eu plusieurs coupes, des coupes nationales où j'ai fait première. Voilà, d'autres podiums. Voilà, voilà. Médaille d'or, Lions Cup, Strassen, Luxembourg. Oui, ça c'est international aussi. Voilà. Open Adidas. C'est comme une coupe de France ou un championnat de France. Voilà, médaille d'or également. Aurore, athlète au Nancy Athlétisme Métropole. Alors, Aurore Fleury, bien connue sur la métropole nancéenne, je te laisse te présenter pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a peu je pense. Bonjour, oui, donc moi c'est Aurore, j'ai 31 ans et je fais de l'athlée de haut niveau effectivement. Donc ma discipline c'est le demi-fond, le 1500 mètres c'est la discipline olympique que je pratique. Et voilà, je suis plusieurs fois championne de France, double vice-championne d'Europe avec le relais sur le cross-country. Et voilà, j'ai un record qui me classe 6ème performeuse de tous les temps sur ma discipline en France. Donc, voilà. Rien que ça, ça va. Voilà, donc on a championne de France élite sur 1500 en 2021, c'est ce que tu m'avais dit. Sélectionnée en équipe de France à Lisbonne, en quelle année? En 2021, ma première sélection, c'est pour ça que je te l'ai signifié, parce que c'était ma première, donc la plus belle à mes yeux. La plus belle, celle qu'on n'oublie jamais. C'est ça, exactement. Et donc, record 4 minutes 03 à la Diamonds League, année? C'est ça, en 2021 aussi. Aussi, donc, c'était l'année de tous les records, en fait, 2021, ouais, c'était merveilleux. C'est ça. Et c'était où? C'était à Monaco. Monaco. Ça fait vraiment partie des meilleures teams du monde, donc c'était une belle réussite pour une première. Voilà. Donc on rappelle, la Diamonds League, c'est de la World Athletics, c'est une compétition internationale depuis 2010. Voilà, donc il y a. Ouais, c'est un circuit mondial. Un circuit mondial. Il y a 18 meetings qui sont extrêmement réputés. Et voilà, c'est un peu la Ligue 1 de l'athlétisme, un petit peu, pour ceux qui connaissent. Ouais, tout à fait, quoi. Tout à fait. Non, mais c'est exactement le parallèle que je voulais faire. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur du haut niveau, haut niveau. Ouais, on peut comparer avec le foot. Parce exactement. Que niveau médiatisation, à chaque fois, on parle. Je toujours du foot, un peu le parallèle avec le foot, parce que tout le monde fait « Ah, d'accord, ok, je comprends. » Bien, c'est bon, ça parle. C'est ça. Alors, on va commencer par quelques petits chiffres. C'est moi qui les ai les chercher. Donc, j'ai rien de plus récent que 2018-2021. J'ai pas trouvé mieux. Donc, en 2018, sur 44 000 heures de diffusion de sport, 3,6% étaient consacrés aux femmes, contre 67,5% pour les compétitions masculines. Ça passe en 2021 à 4,8%. Donc, on est vraiment sur un très grand écart. Des différences aussi selon les sports diffusés, comme le relève l'autorité de la régulation. Entre 2018 et 2021, en moyenne, les disciplines contribuant le plus à la diffusion de compétitions exclusivement féminines sur les chaînes gratuites généralistes sont le foot, 44% du sport féminin, le tennis, 13%, le rugby, 16%, le cyclisme, le hand et le ski. Donc on n'a pas l'athlée, on est d'accord, et on n'a pas le karaté non plus. C'est pas pour rien, on y reviendra. Donc sur les chaînes publiques, entre 2018 et 2021, 9,1% du volume horaire correspondait à une retransmission des compétitions féminines, contre 4,1% sur les chaînes payantes. Une différence accentuée par le fait que 97% du volume horaire total des retransmissions sportives est porté par les chaînes payantes. Donc effectivement, il y a un petit peu plus de sport féminin sur les chaînes, proportionnellement sur les chaînes gratuites, mais le sport est principalement sur les chaînes payantes. En clair, malgré le fait que les chaînes payantes diffusent plus de sport en direct à la télévision, la proportion de sport féminin est bien plus faible que dans les chaînes gratuites. Donc juste pour situer, est-ce que vous aviez connaissance de ces chiffres? Pas du tout. De l'ordre de grandeur? Connaissance exactement non, mais c'est vrai que moi ça m'étonne pas du tout, parce que de manière pratique à la télé on en voit peu du sport féminin, donc qu'il y ait un grand écart comme ça, c'est vrai que c'est malheureusement pas si étonnant que ça. T'avais vraiment l'ordre de grandeur du moins de 10% pour le sport féminin, enfin plus près des 5 et 95. En fait, à part les sports mixtes, dont l'athlétisme fait partie, et donc moi là je me sens très chanceuse, hein, c'est comme le biathlon par exemple. Ouais. C'est des sports qui sont pratiqués presque de manière mixte, donc en fait nous on n'a pas trop de différence quand il y a une compète d'athlètes qui passe sur une chaîne gratuite, on voit autant de femmes que d'hommes. Donc nous on a beaucoup de chance en athlétisme là-dessus. De temps en temps, c'est bien de dire quand les choses sont bien faites, parce qu'effectivement, moi, j'ai un sport qui, là-dessus, est quand même extrêmement égalitaire sur ce sujet, puisque par définition, nos compétitions sont complètement mixtes. De toute façon, même si on voulait montrer que les hommes, on ne peut pas le faire. Donc, c'est une très bonne chose pour nous. Mais c'est vrai que tous les autres sports, on voit quand même majoritairement, 99% du temps, c'est des hommes à la télé. Hein. C'est des femmes. C'est des hommes, ouais, c'est les hommes et on voit moins les femmes. Quoi. Exactement. Et alors, justement, c'était ma question, c'est est-ce que vous-même, vous ressentez la différence de traitement par rapport à vos coéquipiers masculins? Alors, j'entends, Aurore, que l'athlétisme, c'est mixte et qu'on voit autant les hommes que les femmes. Amélie, tu peux en dire autant pour le karaté? Moi, je pense que la différence, elle est aussi dans le fait que le karaté, c'est un sport qui est peu médiatisé. Je pense que vous n'avez jamais vu de combat de karaté à la télé ou de kata. Parce que, vraiment, c'est un sport dont on entend peu parler. On a été qu'une seule année aux Jeux Olympiques, par exemple. Par mon expérience sur les réseaux ou même à la télé, j'ai l'impression que quand il y a du karaté, c'est quand même assez mixte. On voit des combats de garçons et de filles, mais c'est une discipline qui est binaire, c'est-à-dire que les filles ne combattent qu'avec des filles et les garçons qu'avec des garçons. Mais à la télé, in fine, il y a des combats des deux qu'on peut voir. Oui, c'est un peu comme l'athlétisme, c'est traitement égalitaire. Ouais. Et vous-même, au niveau du ressenti de la médiatisation, c'est-à-dire que pas de juste de la retransmission du sport, mais vous... Si à un moment donné vous êtes intervenu dans les médias, comme vous êtes invité aujourd'hui, est-ce que vous avez le ressenti qu'il y a un traitement égalitaire ou qu'il y a quand même une proportion un petit peu supérieure chez les hommes ou pas? Alors pour nous en athlétisme, ce qui est un petit peu particulier, je pense qu'on a le même traitement. Ouais. En revanche, comment les informations sont reçues par le public, ça peut être un peu différent, tout simplement parce qu'on est un sport qui est comment je pourrais dire, c'est lié à des critères extrêmement précis, c'est-à-dire qu'un homme, il va forcément lancer plus loin qu'une femme. Par exemple, si on parle des lancers, il va courir plus vite. Enfin, notre performance sera forcément moins bonne que celle d'un homme. Alors, pas moins bonne, intrinsèquement. En fait, de but en blanc pour le public, lancer à 60 mètres, c'est pas lancer à 50 mètres, par exemple. Donc, ou courir, moi je cours le 1500 mètres en 4 minutes 03. Quelqu'un de mon niveau chez les garçons, c'est plutôt en 3 minutes 35. Bon, bah forcément, ça va plus vite. Donc c'est plus spectaculaire, en fait. Exact. Mais il y a ce côté-là où le grand public peut le ressentir comme ça, en se disant, bah oui, les hommes, ça va plus vite, ça lance plus loin, ça marche plus vite, ça saute plus loin. Donc, je pense que c'est plus la manière dont c'est regardé qu'il faudrait changer, plutôt que nous, dans notre sport, effectivement, je pense qu'une femme performante est tout aussi mise en avant qu'un homme performant, ou en tout cas, franchement, la différence, elle est moins flagrante, je pense, que dans d'autres sports où le sport féminin est complètement inexistant, que ce soit à la télé ou dans les interviews, etc. Clairement, moi, je connais pas mal de sportifs dans d'autres sports et c'est absolument pas le même traitement. D'accord. C'est clair. Donc, je pense qu'on devrait s'inspirer justement de sports comme l'athlétisme en général, où effectivement, on a de la chance là-dessus et de la preuve que c'est possible de montrer un sport féminin autant qu'un sport masculin. Et toi, Amélie, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que de notre côté aussi, c'était assez égalitaire. Enfin, même quand il y avait une fille qui faisait un bon résultat à une compétition le week-end et qu'elle revenait au club, elle était autant félicitée qu'un garçon. Et je pense aussi, c'est dans le fait qu'on n'était pas comparé aux garçons. En plus, nous, à la différence de l'athlétisme, il n'y a pas ces valeurs que c'est les garçons font mieux que nous, parce que c'est un score et les garçons sont face à des garçons, les filles face à des filles. Et si la fille, elle a gagné, elle a fait première, elle est aussi forte que le garçon qui a fait premier. Donc moi, j'ai jamais trop ressenti... cette différence de valorisation entre les filles et les garçons, en tout cas dans mon club et même au niveau national. Et ni au niveau du public, enfin je veux dire, il n'y a pas d'histoire de c'est plus spectaculaire. Les filles sont spectaculaires aussi. Oui. Et en fait, vous êtes approchées par toutes les deux plus par quels médias de la presse écrite, de la radio, de la télé? Est-ce que vous avez déjà été sollicitées par la télé? La télé, moi non, mais c'était quand même il y a 6 ans. Et je pense que notamment les réseaux sociaux étaient beaucoup moins présents. Ouais. Donc, moi, c'était beaucoup plus les journaux républicains, enfin l'Est républicain. Ouais. Les médias traditionnels, quoi. Ouais, avec des vrais journalistes. Pas des vrais dans le sens. Sur les réseaux sociaux, c'est tout autant des journalistes, mais des journalistes à l'ancienne avec leur petit micro qui, après, tu passes dans le journal. Voilà. D'accord. Et toi, Aurore? Moi, j'ai de la chance d'avoir vécu pas mal d'expériences, donc c'est cool. Clairement, oui, les journalistes, on va dire, des journaux locaux évidemment, qui sont quand même proactifs encore en ce moment. Justement, je pense qu'ils se battent pour continuer à exister et c'est top. Après, il y a beaucoup de podcasts maintenant. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement populaire. Donc ça, j'en ai fait pas mal. Et puis, des reportages, effectivement, avec des chaînes de télévision, etc. Donc voilà, c'est des expériences qui sont sympas. Et surtout, quand on est sollicité, on se dit, ben voilà, c'est un sport qui est visible. Ma personne, elle est visible aussi, ma performance aussi. Et c'est vrai qu'avec ces nouveaux supports comme les podcasts, par exemple, c'est top parce qu'en fait, ça dure un moment. Donc, on a le temps vraiment de balayer pas mal de sujets en profondeur. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et c'est vrai que si j'essaie de réfléchir voilà, par rapport à la visibilité des hommes et des femmes, justement, sur ce genre de support, je pense que du coup, ça balaye un petit peu le genre, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on a une personne, on écoute une personne, c'est pas une femme ou un homme, finalement. Et je pense que de nos jours, les médias qui émergent depuis, on va dire, une petite dizaine d'années, ça aide quand même énormément à ce que justement nous les femmes on soit plus visibles, ça c'est une évidence. Alors une petite question subsidiaire, quand vous étiez interviewée, est-ce que c'était des journalistes hommes ou femmes principalement? Essayez de vous rappeler. Je pense que c'était plus des hommes. Ouais, moi ouais, aussi, ouais. Ok. Donc parce que pour la petite histoire, en fait j'ai cherché une troisième invitée, j'aurais aimé avoir une journaliste sportive en invitée aujourd'hui et en fait j'en ai pas trouvé. Simplement parce que sur la communauté nancéenne, et ben c'est que des journalistes masculins quasiment. Et les journalistes sportifs, en règle générale, je pense, sont très majoritairement masculins. Pardon. Mmh. Et est-ce que selon vous, ça joue en fait? Est-ce que vous pensez qu'une journaliste féminine va peut-être plus être attentive au sport féminin ou pas? Vous en avez vraiment jamais eu de journaliste féminine? Si, moi sur les compétitions, ouais. Sur les quand c'est vraiment couvert par des grandes chaînes gratuites, je sais pas si on a le droit de dire les noms. Notamment l'équipe. Ouais. L'équipe, on a quand même France Piron qui est là, qui est tout le temps sur le terrain. Donc il y a quand même. Je dirais sur les chaînes qui ont peut-être un peu plus de moyens, peut-être qui brassent un peu plus de monde. Ouais. On a quand même de plus en plus de femmes là-dessus. J'ai eu affaire même en compétition internationale, dans la zone mixte, etc. On a quand même relativement plus de femmes. Alors pas plus de femmes que d'hommes, mais plus de femmes qu'avant. Donc il y en a quand même. C'est pas inexistant. Maintenant, la proportion est quand même minime. D'accord. Ouais. Votre temps de médiatisation quand vous avez décroché un titre, alors que ça soit championne de France, championne d'Europe, et à combien de temps vous estimez votre temps de médiatisation, c'est-à-dire que ça se compte en mois, en semaines, en le temps dans la durée, pas le nombre d'heures, c'est vraiment dans la durée, c'est des jours, des semaines, des mois? Moi, je dirais des semaines peut-être, allez, des semaines, quelques mois, mais je pense que c'est propre au sport, c'est quand même. C'est très ingrat, c'est-à-dire qu'on est très bon d'un coup. Passe derrière. Ouais, voilà, si on a quelqu'un qui est meilleur que nous quelques mois après, on passe vite un petit peu à autre chose, ce qui est aussi normal. Hein. Mais c'est le sport qui veut ça, je pense aussi que c'est assez éphémère comme phénomène. Et c'est vrai que pour réussir à entretenir ça, de nos jours, il faut quand même aussi être très actif sur les réseaux. Ça passe pas seulement par la performance. Et ça, je pense que voilà, c'est pas forcément donné à tout le monde. Et tout le monde n'aime pas forcément ça. Donc. Ouais, c'est surtout sujet à ça plus qu'à la performance maintenant, mais en tout cas ça dure pas très longtemps. Hein. Ça dure pas très longtemps, Amélie, qu'est-ce que t'en penses? En vrai, moi à chaque fois que j'ai gagné des choses, c'était pas public. Enfin, y a pas eu de médiatisation? Moi, par exemple, j'ai jamais fait de réel ou posté mes résultats sur les réseaux. Et quand je suis passée dans le journal pour ma cinquième place au championnat de France, par exemple, je suis même pas sûre que mes camarades de classe ils l'aient su. C'était one shot, il y a eu un article et ça n'a pas duré par la suite. Alors oui, c'est sûr, dans le monde du karaté, les gens savent, mais c'est un petit monde. Et ok, dans le club, ils m'ont félicité. Et je pense que cette performance, elle va rester dans la tête des gens de mon club. Mais c'est un petit club régional. Donc je pense que moi, il n'y a pas eu cet élan de « ah oui, bravo ». Et ni un engouement pour le karaté par la suite au niveau local. Enfin, je veux dire, à partir du moment où il y a quelqu'un qui performe dans le club, du coup, ça donne un peu de visibilité au sport et sur... Non ? Bah, non, pas trop. Pas spécialement ? Non. Donc, c'était... en fait, c'est la suite de ma recherche. C'est au niveau de la visibilité, on dit moins de visibilité, moins de modèles, moins de pratiquants potentiels. Donc, à partir du moment où tu gagnes, s'il y a de la visibilité, tu vas faire connaître ton sport et le fait qu'il y ait des filles qui le pratiquent. Est-ce que tu te souviens s'il y a eu une hausse des inscriptions des filles à la suite de tes titres ou pas? Je sais que y a eu... c'est un peu bizarre peut-être dit comme ça, mais je sais que je m'entraînais avec des filles qui étaient plus jeunes que moi. Ouais. Et elles me l'ont dit dans le futur, après les événements, que j'avais été un modèle pour elles et qu'elles avaient envie de faire comme moi. Donc au niveau des filles déjà inscrites, oui. Au niveau des inscriptions, je sais pas. Ça, c'est trop dans les statistiques du club. Mais je sais que sur place, j'ai quand même peut-être aidé certaines filles à se dire que c'était possible et qu'il fallait continuer et pas baisser les bras. Et toi, Aurore, est-ce que tu as conscience d'être un modèle, d'être inspirante ? Alors, sur l'aspect, effectivement, comme tu disais aussi, c'est au niveau local, évidemment, ouais. Bien sûr. Et après, ce que je dis souvent, c'est que je suis assez fière de moi. Alors, pour mes performances, oui, mais c'est surtout aussi parce que, justement, cet élan-là, parce que moi, quand j'ai performé en 2021, ça faisait une dizaine d'années qu'il n'y avait pas eu une athlète de ce niveau-là en France. Donc, il y a eu un gros trou, en fait, générationnel, juste avant moi, dans ma discipline et dans la plupart des disciplines en demi-fond féminin, justement. Donc, il y avait un vrai problème générationnel, effectivement, et en termes de performance en athlétisme sur nos disciplines. Et c'est vrai que les managers de demi-fond en équipe de France, etc., à l'époque, m'ont dit c'est top parce que tu vas être une locomotive pour justement les générations à venir. Tout à fait. Hein. Et ils ont anticipé le fait que, sûrement derrière moi, rapidement, les jeunes filles ou même mes concurrentes directes, finalement, allaient progresser d'un coup. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y en a même qui m'ont surpassé depuis et qui m'ont d'ailleurs écrit en me disant voilà, tu nous as ouvert la voie et tu nous as montré que c'était possible. Et maintenant, voilà, ces filles qui me parlent comme ça, elles sont meilleures que moi à l'heure actuelle. Donc, ça permet déjà d'accepter un petit peu plus facilement de ne pas toujours être la meilleure. Et puis, voilà, c'est quelque chose dont je suis très fière, même si demain ça doit s'arrêter. C'est une des raisons pour lesquelles je suis très, très contente d'avoir fait ce parcours. Parce que quand mes concurrentes directes me disent merci, juste pour avoir ouvert la voie, c'est vrai que c'est important. Et je pense que du coup, ça a une grosse résonance sur les générations que je ne connais pas. C'est ça, qui vont arriver derrière. Voilà, tout ça, c'est direct. C'est des amis qui me parlent, des concurrentes directes. Mais je pense qu'effectivement, tout cet effet boule de neige, effectivement, il va vraiment aider à ce qu'il n'y ait plus ce trou générationnel que moi j'ai connu quand j'avais une petite vingtaine d'années, où j'avais peu de modèles finalement auxquels me raccrocher. En tout cas, ils dataient des années 90. Donc c'est vrai que c'est une belle fierté. Je pense qu'effectivement, c'est un vrai processus à mettre en place dans les clubs, etc. Une tête, entre guillemets, une locomotive qui va permettre de montrer ce qu'on peut faire, ça aide beaucoup. Et effectivement, plus il y a de performance, plus il y a de médiatisation. Donc, plus il y a de médiatisation dans le sport, plus il y a de l'argent, plus il y a des moyens. C'est ça. Et après, encore une fois, c'est vraiment un cercle vertueux et qui est en train de se mettre en place. Et même si j'ai pu mettre un tout petit caillou à l'édifice, franchement, je suis super contente, quoi. Une petite fille qui vient et qui te dit qu'elle est ton modèle, que tu es son modèle et qui te demande un autographe, t'as envie de lui dire quoi ? Ça arrive de temps en temps. Maintenant, un peu moins, comme je disais tout à l'heure, entre guillemets, le succès, il est quand même éphémère. Mais ouais. En tout cas, au moment où ça arrivait beaucoup, c'est vrai que c'était toujours extrêmement agréable pour moi. Et surtout, ça me remplissait de fierté, en fait. Ça va au-delà de la performance en soi. C'est vraiment les valeurs humaines qu'on véhicule à ce moment-là qui sont hyper intéressantes et hyper galvanisantes. Et puis, ça m'aide à continuer aussi dans les moments difficiles. Je me dis, bah voilà, il y a des choses que j'étais capable de faire. Il faut que je m'accroche pour continuer à essayer d'emmener des gens avec moi. Donc, c'est hyper sympa, ouais. Alors toi, Aurélie, t'étais plus jeune, mais t'as eu aussi ce côté des plus jeunes qui viennent vers toi à te féliciter, à te dire « j'aimerais bien être comme toi ». Non, en vrai, c'était plus dans la retenue, puis c'était vraiment un petit club. On était peut-être 50 licenciés, dont des gens de mon âge, où bien sûr, j'ai été félicitée, et même moi, j'étais très fière de ce que j'avais fait. Et pour le club était vraiment fier et en parlait. Il y a eu des posts sur Facebook... Voilà, mais je sais que après coup, parce que j'ai discuté avec une fille qui est, pour l'anecdote, est partie au championnat du monde avec l'équipe de France, elle a fait championne du monde, donc et qu'elle m'a dit qu'à l'époque, quand elle était plus jeune, elle regardait les grandes s'entraîner et qu'elle était en mode moi aussi je veux le faire. Donc donc t'as été inspirante aussi, mais oui. Elle te l'a jamais dit par contre. Après coup, oui, petite, quand... elle est jamais venue te voir. Non, elle a pas osé. Fait peur quand on est trop grande. Mais bon, ça te rend fière, t'as conscience en fait d'avoir été le modèle de jeunes filles comme mais ça. Mais je pense parce que moi j'ai eu des modèles quand j'étais plus petite. D'accord. Et que je voulais faire comme les plus grandes. Et je pense que c'est un cycle qui se répète dans le sport. Quand t'es petite, tu veux donner le meilleur et c'est ça qui te donne envie de continuer. D'accord. Aurore également, t'avais des modèles ? Alors, comme je disais tout à l'heure, nous, on avait vraiment. On manquait de modèles proches de nous. D'accord. Dans nos générations, ou même le 5-6 ans au-dessus de nous. Mais effectivement, on a eu des grands modèles dans les années 90, ouais. Dont Patricia Jatté, qui est ma manageuse en demi-fond au sein de l'équipe de France. Et je me rappelle très bien, il y a peut-être 6 mois avant de faire mes grosses performances, je lui avais dit. On était en salle de muscu et puis on discutait du fait que les filles n'arrivaient pas à aller vite, qu'on était en difficulté, etc. Que le sport féminin en France, en athlétisme, était vraiment en difficulté sur ma discipline. Et je me disais, mais c'est pas possible, on n'est pas moins rapide que les autres, que les autres européennes, que les australiennes qui courent vite. Mais pourquoi on n'y arrive pas ? On avait une longue discussion et je lui avais dit, mais on va y arriver, c'est pas possible. faut qu'on trouve une solution, quoi. Et 6 mois après, je fais 4-0-3 et ça ouvre une petite voie aux nanas et c'était vraiment top. Et cette discussion, on en a reparlé après. On s'est dit, bah ouais, en fait, on a trouvé une petite solution. C'est bon. Ouais, c'est ça. On a débloqué quelque chose. Et puis là, on a des filles qui sont très, très performantes à haut niveau, qui font des finales aux Jeux Olympiques, qui récemment, une concurrente à moi qui vient d'être championne d'Europe. Enfin voilà, on a des très, très belles performances qui sont arrivées depuis. Et ouais, c'est hyper encourageant. Moi, je trouve qu'un peu dans tout, il y a ce fait de se dire si elle l'a fait, je peux le faire. Oui, c'est ça. Tout à fait, ouais. Je pense que ça, c'est très, très important dans tous les domaines de la vie en général. Et souvent, on a un petit peu tendance, notamment dans le sport, à avoir des mécanismes mentaux qui sont un peu complexes. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait quelque chose, il y a deux solutions. Soit on se dit, mais moi, j'y arriverai jamais, en fait. Ça paraît tellement grand, on se dit, mais non, elle y arrive, mais moi, je peux pas. On se dévalorise, soit on se dit, ok. Bon bah ça banalise elle la chose, fait, elle l'a fait en fait, et pourquoi pas moi finalement? C'est faisable. Ouais, c'est ça. Et ça c'est un vrai travail, je pense, notamment en France, on n'a pas trop cette culture-là non plus, en tout cas elle n'est pas innée. Et c'est vrai que tendre vers ce « et pourquoi pas moi ?» c'est hyper important et finalement c'est hyper puissant. Se répéter ça tous les matins en se levant, se dire « mais en fait, et pourquoi pas moi ?» Moi c'est personnellement, c'est ce que je me suis dit tout le temps depuis cette discussion avec ma manager justement de Mifon, je lui ai dit « mais pourquoi on n'y arriverait pas quoi ?» Et depuis ce jour-là, j'ai travaillé. Et un jour, c'est tombé sur moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, parce qu'on est beaucoup à bien bosser. Hein. C'est juste que voilà, la réussite est tombée sur moi ce jour-là, et ça a fait que voilà, il y a eu un beau cercle vertueux. Mais c'est vrai que changer ce mindset-là, et aller plutôt vers cette manière de réfléchir-là, et mettre en place ces mécanismes mentaux beaucoup plus positifs, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je trouve que moi, les modèles que j'ai pu avoir ont toujours été des filles. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins que des modèles garçons. Et ceux que j'ai eus, ils m'ont vraiment donné un élan pour me motiver à faire certaines choses. Et je trouve que du coup, médiatiser les filles, ça peut encore plus ramener d'autres filles et faire encore grossir. Oui, tout à fait, boule de neige. En fait, le manque de modèles est délétère, quoi. Enfin, plus il y aura de modèles, plus il y aura de pratiquantes. Et, Mais je sais pas si toi, tu t'es déjà identifié à un garçon. Moi, je suis assez... Je suis une féministe optimiste et qui veut travailler avec les garçons. Donc oui, je me suis quand même identifiée à des hommes parce que notamment ce trou générationnel chez les femmes, il existait réellement et chez les garçons, c'était pas le cas. Donc il y avait quand même des hommes qui... Et justement, inspirant. Au lieu de me dire, entre guillemets, ils m'emmerdent à réussir les garçons et pourquoi nous on n'y arrive pas, c'était plutôt, eux ils y arrivent, encore une fois, nous on va forcément trouver la clé aussi et il n'y a aucune raison pour que la dynamique masculine elle soit en place et que nous on n'y arrive pas. Ou si en tout cas, s'il y a des raisons, on va les trouver, on va trouver des moyens pour remédier à tout ça et on va y arriver. Mais du coup, effectivement, cette dynamique des garçons, moi, elle m'a toujours rendue plus positive en me disant, mais en fait, c'est de la même manière. Ils y arrivent, donc on va y arriver. C'est évident. Alors, on va faire une petite pause musicale choisie par Aurore. Je te laisse présenter, comme ça, ça évitera de me ridiculiser avec mon accent anglais. Vas-y, je te Alors, je suis pas sûre de pouvoir dire le titre super, super joliment, mais en tout cas, c'est un titre de Marvin Gaye que j'aime beaucoup, qui passe beaucoup dans les Marvel. Je suis une grande fan de super-héros, parce que quand on court vite et qu'on veut courir super vite, on va être la meilleure. On donc s'identifie. Je pense que voilà, les gens vont reconnaître, je me risquerai pas de donner le titre, il va être pas joliment dit. En tout cas, c'est Marvin Gaye qui chante. Ain't no valley low enough. sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Et nous voilà de retour dans Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. On est toujours avec Aurore et Amélie pour parler médiatisation du sport féminin. Et là, on va s'adresser, enfin, je vais m'adresser particulièrement à Amélie parce qu'elle fait du karaté. Alors, le karaté était présent aux Jeux Olympiques d'été de 2020 en tant que sport additionnel, à la suite d'une décision du CIO, prise en 2016 à Rio de Janeiro. Et par contre, il n'est pas renouvelé au programme des Jeux Olympiques d'été de 2024. Selon Reuters, lors de l'examen du sport, lors des précédentes éditions de Jeux, le karaté fut rejeté car, je cite, « le sport manque de valeurs divertissantes et de capacité à attirer les plus jeunes audiences ». Donc on est bien sur de la médiatisation. Donc concrètement, le karaté a été retiré des JO, non pas à cause de la discipline, mais vraiment du manque de médiatisation. Ça t'inspire quoi, en fait? En vrai, de la déception. Ouais. Parce que je pense que si on avait un peu plus parlé du karaté et expliqué les combats, bah, je pense que ça peut tout autant être intéressant que du taekwondo ou du judo, dont ça se rapproche quand même au final. Surtout qu'on a un champion olympique qui vient de Meurthe-et-Moselle en plus. Enfin, c'est vraiment local et je ne sais pas si on en a beaucoup entendu parler, mais moi j'ai vraiment l'impression que même quand on est passé aux Jeux Olympiques, le karaté il est resté un peu en marge et on n'a pas eu l'essor qu'ont les autres sports. Alors je ne sais pas, parce que moi je suis dedans, donc je ne sais pas si c'est parce que je suis un peu biaisée ou si vraiment ce n'est pas intéressant pour des gens qui ne connaissent pas ou si on n'a jamais pris le temps d'expliquer ou les commentateurs de karaté n'ont pas vraiment expliqué ce qui était intéressant dans le karaté. Après, c'est vrai que des fois, dans des combats, il se passe deux minutes sans qu'il se passe rien, parce que c'est comme ça, mais c'est comme dans le foot, des fois, il y a des mi-temps ou des matchs entiers où il y a 0-0 à la fin, et pourtant, les gens regardent, donc... Je sais pas ce qui a pas fonctionné, et je sais pas s'il y a vraiment d'autres sports qui sont plus ou moins intéressants que le karaté, ou que s'il y avait d'autres raisons sous-entendues, mais c'est un peu dommage. Oui, on est d'accord, c'est un peu dommage. Donc, c'est vraiment un effet de la médiatisation. Alors, selon toi, il n'y a pas eu assez de médiatisation avant, en amont, ou c'est vraiment pendant, il y avait eu moins de retransmissions, je ne sais pas, t'avais suivi ou pas? Moi, j'avais regardé que les combats des Français. Ouais. Mais pendant les JO, mais après, c'est vrai que sur les autres compétitions, c'est très dur pour regarder. C'est très dur de trouver, en fait, à regarder exemple, les compétitions. On passe pas sur Canal, je pense, ou il faut avoir le lien sur YouTube, où on a des caméras en live, donc il n'y a pas de commentateurs, donc c'est vraiment que pour des gens qui connaissent. Des initiés. Oui. C'est pas très accessible au grand public et vraiment moi quand j'avais un peu parlé autour de moi que je faisais du karaté, bah personne n'avait jamais vu de combat de karaté parce que vraiment c'est assez compliqué je pense de se renseigner et une fois qu'on essaye de regarder un peu on comprend pas parce que personne n'explique rien, donc je pense que ok les JO ça a pas fonctionné mais le avant et le après il était pas trop présent non plus par rapport au karaté. Oui, il y a eu un petit raté avant et après quoi quand même. Ouais. D'accord, clairement. Donc en fait, on va parler d'argent aussi, parce que médiatisation dit sponsor, et sponsoring dit argent. Donc en ce qui concerne les comptes de sponsoring, le sport de compétition dans de nombreuses disciplines, je vais y arriver, la visibilité est également une monnaie d'échange. Donc là, je vais vous poser la question à toutes les deux, je connais la réponse, mais je vous la pose quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez de votre sport? Bon, Amélie? J'ai arrêté. Arrêter. J'ai choisi de faire médecine. C'est plus rentable. Bah pour. C'est plus sûr. C'est plus sûr. Pour assurer papa et maman. Aurore. On va dire que quand je suis performante, oui. Oui. Maintenant, on fonctionne aussi beaucoup par Olympiade en termes de contrat. Donc moi, tous mes contrats sponsoring, ils ont extrêmement bien marché jusqu'en 2024, effectivement, où je suis en échec sur les Jeux de Paris, où j'ai pas pu me qualifier. En tout cas, j'ai essayé du mieux que j'ai pu, mais ça s'est pas passé comme prévu. Donc je n'y ai pas participé. Mais voilà, j'ai quand même pu vivre de mon sport pendant 4 ans de manière décente. Uniquement de ton sport. Oui, tout à fait. Après, voilà. Moi, à côté, effectivement, je suis aussi ostéopathe. Maintenant, j'ai quand même bien réduit mes heures de travail en tant qu'ostéo dans mon cabinet. J'ai toujours continué à travailler parce que dans ce domaine-là, parce que ça me plaît, parce que j'ai des patients aussi que j'ai depuis longtemps. Mais voilà, je peux vivre de mon sport à condition de toute façon d'être toujours très performante, par contre. C'est sûr que c'est extrêmement lié à ça, alors qu'on sait aussi que le sport, c'est quand même très aléatoire. Oui, il y a forcément des périodes de creux. Moi, en plus, voilà, j'en ai connu pendant plusieurs années, là. Donc, en athlétisme, si on fait partie, on va dire, des meilleures européennes et qu'on est allez, quand j'ai commencé à vivre de mon sport, il a quand même fallu être 30e mondial. Hein, donc on parle pas, on parle pas de vivre de son sport en étant 200e mondial, ce qui est toujours excellent quand même. Mais effectivement, il faut quand même faire partie des meilleurs du monde pour pouvoir vivre de son sport. Donc c'est extrêmement difficile d'en arriver là. C'est réservé à peu de personnes. Quoi. Exactement. Donc c'est possible en athlétisme, mais c'est quand même compliqué. Surtout que moi, je suis active sur les réseaux sociaux, mais j'en fais pas non plus une monnaie d'échange, justement. Donc c'est un kiff que j'ai sur les réseaux, mais je ne l'utilise pas pour avoir des contraintes de sponsoring plus élevées ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est pas... Voilà, alors, c'est pas... c'est un choix déontologique ou c'est... Oui, parce que c'est pas quelque chose de naturel. C'est-à-dire que moi, je peux rester 2 mois sans poster quoi que ce soit sur les réseaux, comme je peux poster une fois par semaine, pendant quelques semaines, parce que j'en ai l'envie. Mais effectivement, du coup, ça peut pas être une monnaie d'échange avec les sponsors parce que je suis pas assez active. Et ça, je pense que c'est une question de personnalité et de choix. Pour le moment, ça, c'est le mien, je pense aussi parce que j'ai mon métier d'ostéopathe à côté qui me permet aussi de pas être dans une situation précaire. Maintenant, voilà, je joue un peu sur les deux tableaux. Quand je peux vivre de mon sport plus décemment, je bosse un peu moins en tant qu'ostéopathe pour pouvoir me consacrer davantage sur ma pratique. Donc, j'ai de la chance, j'ai 2 métiers que j'arrive à en faire cohabiter. Concilier, quoi. Voilà, pour avoir une situation qui est stable et qui est pas précaire, justement, et qui me permet de me préparer dans les meilleures dispositions. Maintenant, c'est clair que ces contrats de sponsoring, ils sont quand même courts, maximum 4 ans, des fois 1 an, 2 ans. Et ils sont sous-tendus d'une performance, donc c'est aussi beaucoup de pression. Oui, aussi, également. Souvent, ouais. Voilà, au début, on est très content, on est performant, il y a beaucoup d'argent qui tombe d'un coup, c'est vrai. Mais effectivement, par contre, ça sous-entend qu'il faut continuer d'être performant, et si on n'y arrive pas, ce qui a été mon cas assez rapidement derrière, ça a été aussi beaucoup de pression. Parce qu'on se dit, mais en fait, je ne vaux pas le coup, ces gens-là, ils m'aident, et puis en fait, j'y arrive pas. Donc c'est aussi une facette que je ne connaissais pas avant d'être athlète de haut niveau. Et c'est vrai que quand on devient professionnel, sur ce sujet-là, c'est pas facile à gérer. Parce qu'on se sent finalement jamais à la hauteur. En tout cas, moi, pendant 2-3 ans, je me suis pas sentie à la hauteur. Parce que j'ai pas battu mon record, parce que je suis retournée en équipe de France, mais pas du tout au niveau auquel j'aspirais. Donc c'est vrai que ça a quelque chose de positif, mais quand il y a des obstacles qui sont pas faciles à franchir, c'est vrai que c'est aussi une pression. En tout cas, moi, je l'ai ressenti de manière assez négative sur certains moments, même si mes sponsors ont été absolument géniaux et m'ont suivi jusqu'au bout et m'ont jamais mis la pression. Hein. C'est quelque chose que moi, j'avais en moi. Mais c'est vrai que c'est pas facile là-dessus. Amélie, t'as jamais été sponsorisée ? Mais moi, j'ai jamais été approchée. Je sais même pas comment ça se passe. On n'a jamais parlé, c'était vraiment pas une option. Tout le sport que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est à mes frais. Ouais. C'est que quelques années après où maintenant je vois des athlètes, des karatékas, qui sont sponsorisés, oui. Par souvent des marques de karaté quand même, donc des plus petites marques, plus petite échelle, mais qui le sont quand même. Après, je pense que c'est pas viable. Ils ont un travail à côté. Il y a personne, t'en connais pas, des karatékas qui vivent de leur... Peut-être le champion olympique, ouais. Steven D'Acosta. Mais je crois que ça a quand même été difficile pour lui, mais je voudrais pas parler à sa place, donc voilà. Mais c'est vraiment même pas quelque chose que j'avais en possibilité dans un coin de ma tête que ça puisse m'aider. Il fallait que j'ai un métier à côté dans tous les cas, et bah, c'était ok, c'était comme ça. Même pas des petits cadeaux, j'appelle du petit sponsoring, mais je veux dire, quand tu gagnes quelque chose, des équipements ou des choses comme ça qui vont te permettre, rien. Les seuls cadeaux que j'ai eu, c'est quand je suis partie, des protections et un kimono, c'est quand je suis partie avec l'équipe de France. Ouais. C'est tout. Sinon, jamais le moindre... Non, mais même les compétitions nationales, elles étaient... Même des fois, les internationales, elles étaient aux frais de ma mère et mon père. D'accord. Donc, c'était quand même... Il fallait s'investir dans le karaté aussi en termes d'argent. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'ARCOM et des chiffres de la médiatisation, des diffusions sur les différentes chaînes. Et l'ARCOM a pris en compte ces chiffres et souhaite, à travers l'opération Sport Féminin Toujours, inciter des médias à diffuser davantage de retransmissions sportives sur les antennes, mais aussi à aborder les problématiques liées à la pratique féminine du sport, donc maternité des athlètes, accompagnement des sportifs de haut niveau, place des femmes dans les instances dirigeantes. Et en fait, c'est ce dernier point qui va nous interpeller aujourd'hui, c'est est-ce que le fait qu'il y ait nettement moins de femmes dans les instances dirigeantes, à votre avis, ça a un impact sur la médiatisation du sport féminin ? Que ça soit dans les fédérations, au niveau de toutes les instances, il y a quand même une prédominance masculine. Est-ce que ça joue un rôle sur le développement du sport féminin, à votre avis ? Ouais, je pense qu'effectivement, dans plein d'institutions, dans plein de corps dirigeants en général, c'est quand même beaucoup plus encore des hommes. Alors même si, encore une fois, je suis un peu trop optimiste peut-être, mais je trouve qu'on a de la chance de vivre dans une génération où on fait toujours le constat qu'il y a plus d'hommes qui dirigent. C'est une évidence. Mais on a de la chance de faire partie de ce moment où les constats sont faits, en fait. Oui. Donc en plus, on met le doigt dessus. Donc finalement, moi, je trouve que c'est un kiff d'arriver à se dire, ok, on est au moment où nous, on peut dénoncer ça et où on peut aussi agir pour que ça change. Alors qu'il y a 20 ans, 10 ans même encore, c'était pas du tout une discussion. Donc moi, au lieu de me crisper en me disant c'est pas une bonne chose, je me dis ok, c'est top parce qu'on fait partie de cette génération qui a le pouvoir de changer les choses. Et je pense que ça doit venir de nous aussi. Hein. C'est à nous de rayonner quelque chose d'un peu différent de ce qui s'est passé avant. Et nous, en tant que sportive, alors moi, je suis encore sportive active dans mon sport, même si on est une ex-athlète, je pense que justement, c'est peut-être aussi notre rôle derrière de s'engager. Moi, c'est ce que je fais un petit peu au niveau de mon club déjà actuellement. Et effectivement, j'espère le faire plus tard au niveau de la fédération, etc. Mais je pense que c'est à nous de rayonner quelque chose de plus que ce que les générations n'ont pas pu faire avant, les générations féminines. Et effectivement, d'essayer de s'introduire un petit peu dans ces corps dirigeants. Alors, c'est ce que j'allais te demander. Alors, pour l'instant, t'es peut-être prise par ta pratique sportive. C'est une fois que tu auras dépassé cette pratique sportive, est-ce que t'es prête à t'engager au niveau fédéral, au niveau des instances? C'est quelque chose qui te tente? Bien sûr. Déjà, moi, je fais le constat beaucoup que je sais pas comment c'est dans le karaté, mais nous, il y a très peu d'entraîneuses. Il y a beaucoup d'entraîneurs, ça c'est clair. Maintenant, des entraîneuses, il y en a très très peu encore en athlétisme, malgré le fait que ce soit un sport mixte. Donc ça, c'est une grosse problématique, je trouve. Et moi, déjà, je sais très bien que voilà, une fois que je serai plus athlète, je serai entraîneur, c'est entraîneuse, c'est évident. Et par ce biais-là, exister dans mon sport par ce biais-là, je pense que ensuite derrière, effectivement, je vais pouvoir m'introduire entre guillemets dans les instances un petit peu plus supérieures que mon club. Et en tout cas, c'est un vrai souhait que j'ai. Je viens d'une famille assez militante et assez engagée dans plein de sujets, donc c'est sûr que quelque chose qui est ma passion, comme le sport et l'athlétisme, pas plus particulier, c'est évident que je vais être, je vais avoir le souhait en tout cas d'être actrice de ce sport. Amélie, tu te sentirais les épaules, toi, d'intégrer certaines instances ou pas? Alors, je vais quand même être médecin. Ouais. Et je peux pas nier que je pense que ça va être une grosse partie de ma vie. Ouais. Donc, pour l'instant, je me suis pas trop posé la question parce que c'est plus ma pratique sportive que j'essaye de conjuguer avec mes études. D'accord. Et mon futur métier. On en est loin du temps disponible pour... C'est surtout un manque de temps, mais je pense que ça m'aurait intéressé, même en vrai, en tout cas, m'engager localement dans le club où je suis, je l'ai toujours fait, parce que j'aime bien ça. Donc on verra plus tard ce qui m'attend sur ma route, mais pour l'instant, je reste à mon échelle d'essayer de m'en sortir sportivement. Mais je veux dire, d'un point de vue légitimité, tu te sens les épaules. À aucun moment donné, tu t'es dit, ouais, non, ça, c'est pas pour moi, quoi. Ah non, pas du tout, j'ai pas du tout peur de ça. Il y a aucun souci là-dessus. Non. Mais pour revenir au début de ta question, je pense que peut-être que c'est aussi un peu naïf, mais j'ai l'impression que ce soit des filles ou des garçons de notre génération, les garçons essayent de quand même parler beaucoup plus de sport féminin et l'inverse pour les filles parlent beaucoup plus de sport masculin, contrairement aux générations les plus vieilles où, ok, sont surreprésentées par des hommes. Oui. Et peut-être même que les femmes qui sont présentatrices ou commentatrices sportives sont peut-être aussi un peu biaisées par tout le phénomène culturel un peu plus ancien et parler aussi plus d'hommes elles-mêmes. Oui. Ouais, que les plus jeunes générations, je pense que c'est aussi une histoire, comme l'a dit Aurore, de cette génération actuelle et plus tellement de genre. C'est plus une histoire d'éducation, en fait. Si tu veux, t'essayes de dire que les femmes de l'ancienne génération ont une vision biaisée, enfin, restent sur un modèle patriarcal qui... Je dis pas que c'est tout blanc, tout noir, mais que même, si le peu de femmes qui étaient là, peut-être qu'elles parlaient pas que de filles, que c'était aussi... Ça tirait plus à mettre les garçons en valeur, alors que là, maintenant, même, je trouve, pour certains médias, parlent de façon équivalente des hommes et des femmes. D'accord. On progresse, quoi. Oui, en tout cas, j'ai l'impression. Mais peut-être que c'est naïf et que je me trompe, c'est mon point de vue. D'accord. Défi sport sur Fadjet. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Merci Aurore, merci Amélie. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Défi sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport.